tu peux l'amener à une certaine sensibilisation, comme le médecin disait aujourd'hui, à une certaine conscience, une conscience qui se développe. Une fois que cette conscience-là se développe, elle grandit, elle grandit, elle grandit, puis éventuellement elle devient facilement télépathique. Okay. C'est toujours un choc. Ça demande une expérience quelconque. Un contact un peu avec une forme d'abnormalité. Parce que le contact avec les visibles, c'est toujours anormal un petit peu. Faut-tu une expérience qui rende un petit peu l'être... Je veux seulement ajouter quelque chose, là. Parce que ma femme est avec moi aujourd'hui, fait que... ma femme m'a quand je suis malade, et ainsi de suite, puis quand je suis gravement malade, ma femme a dit, bon, qu'est-ce qu'ils disent? Le contact est coupé. Fait que moi, quand je suis en crise, le contact est coupé. Je suis censé être capable d'être équilibré, moi, que j'ai un contact, que j'ai pas de contact. Fait que je m'en vais au bureau du médecin, puis là, aussitôt que je suis dans le bureau du médecin, puis qu'on parle de, on a parlé de cancer, on a parlé de ça, je pense pas en ce qui me concerne, là, bon, on parlait de maladie, on a parlé de médecine, et ainsi de suite. Fait que, là, ils viennent tout énerver en haut, là. Là, ils veulent communiquer, là. Là, je peux lui dire à la femme, mais pense pas que tu mets sur le papier le crayon, là. Je vais lui expliquer qu'est-ce que c'est le AIDS, puis qu'est-ce que c'est le cancer, puis pourquoi, ainsi de suite, qu'est-ce que c'est les choses, pourquoi est-ce qu'il y a des gens sur la planète, ça fait quoi des gens sur la planète. Là, ils viennent tout énerver en haut, ils veulent communiquer avec eux, ils sont fous comme de mal. Fait que moi, je suis chez nous, là, je suis bien fatigué, je suis bien malade, puis il n'y a pas de communication. Moi, aussitôt, là, s'il y a la chance de communiquer avec quelqu'un, là, ils viennent tout croche. Fait que ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, quand on ne parle pas une arte, bon, quand on parle, il tombe. Fait que, éventuellement, tu deviens habitué, genre. Fait qu'une minute, t'es zéli, une minute, t'es zéli pas, une minute, t'es zéli, une minute, t'es zéli pas. C'est un petit peu le même mariage. C'est ma erreur. Parce que vous autres, si vous les aimez tout le temps, là, vous avez un problème. C'est un spirituel. C'est ça, un spirituel, si vous aimez tout le temps. Un jour, ben, vous allez les aimer, les haïs, les aimer, les haïs. Quand vous êtes rendu comme moi, vous les haïs, tout ça, vous allez les aimer, et c'est... Voilà. Mais, comment ça fait qu'ils s'énervent pas sur votre cas? Quand c'est pour vous? Comment ça fait que ça, ils vous font expliquer des affaires de la planète, mais ils sont pas sur votre cas pour vous expliquer ce qui se passe. Parce que mon cas, l'événement que je vis est important pour que je fasse autre chose. Ah. Quand, si... qu'ils vous préparent. Ils sont sur votre cas, mais... Ouais, ils préparent. Vibratoirement, mais pas au niveau de la parole, au niveau de la... Parce que le médecin, vous y avez parlé, vous y avez expliqué des choses. Ouais. OK? Donc, l'information passait à ce moment-là. Mais quand vous, vous le demandez pour vous, là, ouais. Ils vous le disent pas. Non, ils me le diront pas parce qu'ils sont baveux. Ils veulent te garder dans l'état de crise. C'est la crise qui est importante. OK. Donc, pour eux autres, c'est vraiment important. C'est comme les piqûres. Moi, les piqûres, c'est ma phobie de tout ce petit gars. Puis là, c'est rendu cette semaine, parce qu'il y a eu 4-1 par jour. Boum, boum, boum, boum, des piqûres, des grosses intravenances. Là. Boum, boum, boum. Là, je commence à aimer ça. Pourquoi? Parce que j'ai dépassé le côté astral de la piqûre. Fait que ça fait partie de ma crise, la piqûre. Vous autres, c'est rien. Vous faites aller des piqûres, puis vous êtes contents, puis vous chantez des chansons. Mais pour un homme qui est censé, comme moi, avoir une piqûre, c'est une initiation physique. Fait que sa connexion momentanée avec mon physique. Fait que j'ai eu une semaine merveilleuse. Fait que, mais ça fait un an, deux ans que j'aime la faire, cette initiation physique-là. Puis ils te le disent pas comment tu vas vivre ton initiation physique. Fait que là, je l'ai vécu cette semaine, mon initiation physique. Je m'ai fait piquer, piquer, piquer, piquer. Puis là, je commence à aimer ça, même. Je suis quasiment comme un drogué. Je commence à aimer ça plus. Pourquoi? Parce que j'ai dépassé le plan astral de l'impression que ça crée au niveau de l'âme. Fait qu'à ce moment-là, ben, c'est encore, ça fait encore de perfectionner la fusion, la relation, l'intégration d'énergie. Fait que ça dépend comment est-ce que tu regardes la situation, l'expérience. Nous autres, en tant que, je crois qu'on peut appeler ça en tant qu'être humain, par rapport à ces forces-là, on a-tu à accepter d'être des rats de laboratoire? Vous êtes,